après avoir souffert et s'être fatigué dans une vie sans nom où rien ne fut gagné. Il y eut des chagrins, des instants de bonheur, le reste n'était rien que l'envers du décor. Les enfants sont partis, ils ne sont plus les mêmes. Ils ne prennent plus le temps, le travail, les problèmes. Les vieux ne comptent plus, c'est un jouet usé, un pauvre souvenir ou une fleur fanée. De vieux qui s'aiment encore. Lui s'en va au travail, ça ne le change pas. Elle reste à la maison, ce n'est plus comme autrefois. Son ombre qui la suit lui parle du passé, mais qu'est-ce que le passé quand on n'est jamais né? Une vie de marmots, de loyers, d'impôts, enfin c'est comme cela. Ils ont fait leur boulot, abandonnés de tous, presque au bout du rouleau. Ils continuent la route, une bosse dans le dos, de vieux qui s'aiment encore. Quand ils eurent du bon temps, ils l'ont payé très cher. Travail, travail, travail pour nourrir ta misère. Abrutis et perdus tant on les a saignés, leur vie qu'ils ont vendue ne fut jamais payée. Leurs deux corps démodés sont comme un hôpital. Quatre murs pour crever paraît que c'est normal. Car s'il y a des gens riches qui font souvent la fête, il y a des gens qui meurent au fond d'une oubliette. De vieux qui s'aiment encore. N'y a-t-il pas pour eux quelque part un jardin, une petite maison, un morceau de terrain? Leurs yeux sont malheureux dans le gris HLM. Le chenil pour finir, c'est ainsi qu'on les aime. Sous les draps bien au chaud, quand les lumières s'éteignent, il la prend contre lui, la serre et la dépeigne. De pauvres mains ridées ruissellent de tendresse. Le bonheur de s'aimer apaise leur détresse. De vieux qui s'aiment encore. La nuit s'est endormie, les étoiles respirent. Ils se sont enlacés au rythme des soupirs. Leurs cheveux blancs mêlés dans le lit du passé. Leur vie est une galère. Ils sont toujours ramés.